demande pourquoi et comment. Il n'a rien vu, il montre les dents. Lui qui croyait pouvoir trouver la paix, l'amour, bien plus qu'une présence. Mais il reste dans le noir. Il saigne, il saigne, il saigne, il saigne, il saigne. Le risque est tout à prévoir. Dans le noir, il saigne, il saigne, il saigne, il saigne, il saigne. Peut-être n'est-il pas trop tard. La flèche brisée change d'angle. Il peut peut-être garder ou reprendre le grand amour qu'il a quitté et qui sans doute est loin de pouvoir comprendre. Et s'il reste dans le noir, il saigne, il saigne, il saigne, il saigne, il saigne. Le risque était à prévoir. Il reste dans le noir. Il saigne, il saigne, il saigne, il saigne, il saigne. Peut-être n'est-il pas trop tard. Le noir, il saigne,